Et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Et cette émission se nomme L'Autre Monde, chers auditeurs, et je suis François Marginal. Je serai avec vous pour la prochaine heure et demie pour livrer les plus importantes nouvelles de la semaine. Nous en sommes à l'édition du 16 octobre 2013. Alors, au menu cette semaine, nous allons traiter de Fukushima encore, alors des nouvelles importantes sur la situation nucléaire au Japon. Et nous avons aussi quelques nouvelles de l'actualité et particulièrement de l'économie. Alors, ça fait quand même quelques semaines aussi là, qu'on parle de différents sujets, mais qu'on trace des cercles qui pointent vers... les mêmes acteurs, les mêmes artisans de autant de cette crise que en fait de pas mal de facettes de l'actualité mondiale hein, dans le sens que bon, on parle de ces fameuses guerres, de ces fameuses menaces qui planent sur le Moyen-Orient. On a parlé de la Libye, on a parlé de la Syrie, on a parlé de toutes ces régions-là, de l'Irak, tous des régions qui, l'Iran aussi, qui sont visées et puis qui recoupent des intérêts des banques internationaux. Alors, ça va être très important de suivre aussi l'actualité, de voir en détail ce qui se passe aussi dans ce domaine. Alors, voilà. Donc, grosso modo, c'est ce qui va être sur la table cette semaine. Vous allez voir que les choses vont tourner autour de ça assez lourdement cette semaine. Alors, écoutez, bon, on va y aller tout de suite avec les premières nouvelles concernant Fukushima. Alors, on continue d'en parler semaine après semaine. Comme je vous disais régulièrement, c'est un sujet qui est fort important et puis qui est malheureusement négligé dans les grands médias et puis sur même certains sites qui sont normalement censés surveiller, si vous voulez, les hoax, alors les mensonges ou les mythes, ainsi de suite. Alors, j'ai un auditeur de l'émission ici que je vais appeler sous son surnom Folamour, qui je salue bien bas. Qui suit évidemment l'émission et puis qui me rapporte des fois des trucs se passant sur différents blogs ou forums, ainsi de suite, et des émissions, en fait des articles qu'il publie. Alors, lui, il visite un site qui s'appelle Hoaxbuster. Et ils sont soi-disant là pour faire tomber les hoax, en fait, là, les fameux mythes non prouvés. Puis on dit que, en fait, le modérateur du forum essaye de, en fait, soutien que les gens racontent des conneries sur Fukushima et ainsi de suite. Il efface des posts avec des liens et ainsi de suite. En fait, ben écoutez, c'est qu'on essaie bien souvent de minimiser la situation à Fukushima, malheureusement. On essaie évidemment d'avoir les meilleures informations possibles sortant de cette situation-là. Et puis, c'est quand même assez difficile, comme je vous disais, avec le contrôle de l'information qui est faite par le gouvernement chinois, le gouvernement japonais, excusez-moi, et puis TEPCO, qui est la compagnie qui gère la centrale nucléaire de Fukushima. Et puis, en fait, les médias aussi qui agissent comme filtre, c'est important. Là, on dirait qu'on veut pas épeurer la population mondiale avec la situation là-bas. On critiquait principalement sur le site l'information qui avait rapport au fait que TEPCO et le gouvernement japonais étaient pour voir au retrait de quelques au-dessus de 1000 crayons de combustible de la piscine de combustible du réacteur numéro 4. Et puis, en réalité, on disait qu'on avait de la misère à recouper l'information. Écoutez, nous autres, on y va avec l'information, évidemment, qu'on nous livre. Et puis, on essaie de la vérifier, évidemment, du mieux qu'on peut. Une chose est certaine, c'est que TEPCO va être obligé, tôt ou tard, d'essayer de récupérer ce fameux combustible et ce fameux corium qu'on retrouve pour certains cas, certains réacteurs qu'on ne retrouve plus. Et puis, on va être obligé d'essayer de confiner aussi cette fameuse eau qui s'accumule sans cesse, cette eau qu'on est obligé de jeter dans le cœur, en fait sur le cœur des réacteurs nucléaires pour essayer de les tenir froids, pour ne pas qu'ils se produisent de réactions nucléaires. Alors, réellement, il se passe quand même de quoi d'assez important là-bas. Et puis, ben écoutez, il faut être conscient de la situation. Là, je veux dire, on est tous, en réalité, en train d'essayer de savoir ce qui se passe réellement et puis de faire en sorte qu'on agisse de façon appropriée dans ce dossier-là. Et puis, réellement, on n'est pas là ici pour essayer de se taper sur la tête, mais réellement pour essayer de faire sortir cette vérité-là, puis pour qu'elle sorte au grand jour, évidemment, pour qu'on puisse agir. Réellement, il faut comprendre que, écoutez, c'est produit en mars 2011, on est rendu là à la fin 2013, là, ça fait quand même déjà... Ça fait déjà quelques années qu'on est dans ce problème-là, dans cette situation-là, et puis la situation est loin de s'améliorer. Là. On comprend que TEPCO et puis le gouvernement japonais sont non seulement dépassés par la situation, mais on se demande si réellement ils ont aussi non seulement la capacité, mais vraiment le désir de vouloir agir en accordance avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Et puis, on s'aperçoit que finalement, on a besoin de mettre sur pied une coalition internationale indépendante pour gérer cette situation-là. On est rendu à une situation, à un moment donné, on s'aperçoit que TEPCO et puis le gouvernement japonais ne seront pas capables de s'occuper de cette situation-là seulement que par eux-mêmes. Okay? Il faut une pression réellement des populations du monde et des gouvernements du monde pour mettre ensemble les moyens financiers et puis les capacités technologiques qu'on a, même si elles ne sont pas encore... au point, même si on n'a pas encore la technologie aujourd'hui, il faut tout de suite se mettre sur ce cas-là pour développer les technologies nécessaires pour gérer la situation à Fukushima. La situation est des plus graves. Si une quelconque personne essaie de vous faire croire que la situation est sous contrôle ou qu'il n'y a pas si grave que ça à Fukushima, passez votre chemin là. Approfondissez vos recherches, chers auditeurs. La situation est pire que ce que vous pouvez même penser. Ok, c'est pas pour faire de l'alarmisme ou quoi que ce soit. C'est la situation réelle sur le terrain, ok? Et puis quand on voit des sites qui sont censés en fait débusquer des mythes sur Internet et qui finalement font des attaques gratuites de différents caractères, de différentes personnes qui révèlent des informations, informent la population sur ce qui se passe réellement dans le niveau nucléaire, particulièrement à Fukushima, comme Arne Gundersen. Il y a de sérieuses questions à se poser sur la crédibilité du dit site quand on dit que Arne Gunderson est une personne qui essaie d'épeurer les gens, est une personne qui prédit un cataclysme tous les matins qu'il se lève. À un moment donné, il faut comprendre que la tactique déjà employée est très douteuse pour essayer de discréditer une personne qui ne fait que nous rapporter des informations très valables depuis le début de cette situation-là. Quand je fais référence à Arne Gunderson, je fais référence à une personne qui travaille avec un autre qui s'appelle Maggie Gunderson, en fait, tient un site qui s'appelle Fair Winds Energy Education. Et puis, vous l'avez en français. D'ailleurs, aussi, il est traduit, certaines sections du site est traduit en français. Donc, vous pouvez aller chercher l'information là. Et puis, écoutez, c'est un chief engineer, là. On parle ici d'une personne qui a plus de 40 ans d'expérience dans l'ingénierie de l'énergie nucléaire, OK, qui a... est allé en fait à ce qu'on appelle la Rensselaer Polytechnic Institute où il a atteint en fait un certificat universitaire qui lui ensuite est devenu aussi reconnu par la commission de l'énergie atomique pour un master degree donc on parle ici là une maîtrise en ingénierie nucléaire. Il a aussi des licences comme opérateur de réacteurs nucléaires et puis il est ancien aussi un ancien travailleur de l'industrie nucléaire et ancien vice-président senior d'une compagnie de l'industrie nucléaire. Alors, vous devez comprendre que cette personne-là a une large expérience dans le domaine du nucléaire, une longue carrière dans ce domaine-là. Et puis, il a aussi géré et coordonné des projets dans plus de 70 centrales nucléaires des États-Unis. Alors, quand vous avez un site qui se nomme comme étant un hoax buster et puis qui attaque la personnalité d'Arne Gunderson pour essayer de discréditer sur le fait qu'apparemment ce serait un alarmiste ou quoi que ce soit, à un moment donné, c'est un indice par rapport à la crédibilité du site en tant que tel, là. Donc, voilà. Donc, effectivement, qu'il y a de quoi se poser des questions à ce qui se passe là-bas. Et puis, oui, la situation est pas mal plus grave qu'on pense. Et puis, oui, des sources d'informations comme Arne Gunderson sont fiables. J'en cite d'ailleurs régulièrement ici sur l'émission. Donc, je vous invite à aller voir les sources de ces gens-là et puis réellement la crédibilité que ces gens-là ont aussi. Ce sont les seuls qui, depuis le début de mars 2011, depuis le début de cette situation, nous informent de façon régulière et très claire et vulgarisent dans un langage qu'on peut tous comprendre, qui est accessible à tous, ce qui se passe réellement là-bas d'une façon très professionnelle. Okay? Alors, il faut un consortium international, effectivement, pour forcer le Japon et puis TEPCO à régler la situation, à contenir la situation. Il faut comprendre l'état de l'océan Pacifique aussi, qui, comme je vous en ai parlé dans les émissions précédentes, est en train de se faire polluer avec un paquet d'éléments radioactifs de façon ahurissante. Il faut qu'on prenne notre responsabilité au niveau planétaire, réellement, là. Il faut séparer les assemblages dans la piscine numéro 4 avant qu'elle ne s'écroule et provoque réellement une masse critique, là. Donc, effectivement, là, il y a un paquet de trucs comme ça importantes, là, à mettre en place, là. Donc, il faudrait établir aussi, comme cet auditeur de l'émission, Folamour, ici, là, le dit dans son commentaire sur le site, dont je suis bien d'accord, là, établir en urgence un plan de sécurité pour l'épisode numéro 4. Et puis, ces milliers de crayons là, de combustible, OK? Donc, vous avez là entre pas loin de quoi 10-11 000 crayons de combustible présents sur le site, là, réellement, qu'il faut sécuriser. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut rétablir, évidemment, l'étanchéité du système au complet de refroidissement pour qu'il soit en circuit fermé, évidemment, et cesse de polluer l'océan Pacifique. Il faut trouver aussi ces fameux coriums qui sont en fait ces masses de combustible nucléaire qui est entré en fusion et qui s'est glissé dans les sous-bassements des réacteurs. Alors, on ne sait pas réellement où il se trouve aujourd'hui. Et puis, comme je vous disais régulièrement dans le passé, on prévoit qu'on va être capable de récupérer ces fameux coriums-là que dans 50 à 100 ans, si on a la technologie rendue là, là. OK, pour les récupérer. Alors réellement, il est temps que on se mette à l'ouvrage. Alors voilà, donc c'était des informations en fait pour ouvrir le sujet ici. Très important. Et puis là, quand on regardait dans les nouvelles de la semaine passée concernant la situation à Fukushima, ben on y retrouvait encore plusieurs trucs de l'actualité assez inquiétants. Je vais vous nommer quelques titres comme je fais chaque semaine et puis vous allez voir encore la situation. On dit qu'on a ici des travailleurs de Fukushima qui ont été éclaboussés avec de l'eau hautement radioactive. Là, on parle de 37 millions de becquerels par litre. On parle de plusieurs tonnes d'eau sont reportées pour avoir fui. Alors, gros problème, des travailleurs qui sont aussi sous traitement pour avoir été exposés à des radiations. 6 personnes auraient été irradiées. On parle d'importantes erreurs ici qui continuent d'arriver encore et encore. Là, ici, vous avez un autre truc. On parle de l'aquarium de Vancouver, le blog de l'aquarium de Vancouver, où on parle de différentes régions avec des rivières, entre guillemets, de membres détachés, si vous voulez, d'étoiles de mer, dont on parlait la semaine passée, avec des étranges comportements qui se retrouvent aussi chez différents autres animaux. Donc, quand même assez étrange, là, ici, là, de voir la vie marine du Pacifique voire être affectée de plus en plus avec des cas de poissons qui meurent en masse. Et puis là, cette histoire des étoiles de mer aussi qui se sont retrouvées fortement affectées dernièrement. Un professeur ici parle du thon, le bluefin, qui est contaminé par des substances radioactives de Fukushima qui ont voyagé à travers le Pacifique. Donc, c'est quand même assez incroyable. Mais vrai, c'est déjà traversé le Pacifique. Donc, vous avez d'autres nouvelles comme ça. Ici, on parle de la plus haute radiation qui a été vue en 2 ans proche d'un réacteur de Fukushima. On parle d'augmentation de plus de 1000% par rapport à la journée précédente. Alors, une nouvelle qui a été publiée le 10 octobre. Ensuite, là vous avez un autre pro-nucléaire, un expert pro-nucléaire cette fois qui parle des typhons qui pourraient faire s'effondrer ces fameux bassins, ces fameuses piscines là, à Fukushima, et qui parle d'une inquiétude très importante ici par rapport à ça. Alors imaginez, c'est un expert pro-nucléaire qui est lui-même aussi très inquiet de cette piscine. Alors il y a vraiment rien là, de rassurant dans cette situation-là, réellement, chers auditeurs, là, c'est pas pour vous inquiéter encore une fois. C'est pour faire prendre mesure de ce qui se passe là-bas. OK? Donc, on parle ici de relâchement encore, de fuite dans l'environnement. On parle de césium radioactif, plus de 1400 becquerels par mètre cube de césium radioactif dans l'océan au large des côtes de Fukushima Daiichi. Des lectures très élevées, en fait les plus hautes jusqu'à date, qui ont été détectées dans cet endroit, qui suggèrent que de l'eau extrêmement toxique fuit de cette centrale et qui n'a pas été contenue de manière appropriée, disons-le. Ensuite, on a du riz, rapporté le 11 octobre ici, qui pousse proche de cette centrale de Fukushima, a été éclairé pour la vente. Alors, on l'a approuvé pour la vente. Excusez mon anglicisme. Alors, nous avons des fermiers, eux, qui déclarent qu'ils n'oseraient jamais le manger et qu'ils se sentent extrêmement coupables de même le faire pousser et puis de le vendre. Vous avez une vidéo ici, allez voir. Ensuite, un docteur de Fukushima qui parle de cancer qui a été trouvé dans plus de 40 enfants et qu'il croit qu'ils sont reliés au désastre nucléaire de Fukushima. On se demande si d'ailleurs la leucémie va continuer à augmenter dans les prochains mois. Alors, vous avez un un audio ici à écouter. Vidéo, des physiciens, en fait, des docteurs en Californie sont très inquiets à propos du poisson avec des contaminations de Fukushima. Alors, on dit que ces gens-là disent manger plus de fruits, de légumes pour combattre le dommage causé aux cellules par la radiation. Lui, il suggère de traîner un compteur pour mesurer les taux de radiation dans les aliments, imaginez. Donc, des nouvelles qui continuent d'être publiées dans ce sens-là. D'ailleurs, vous avez d'autres docteurs ici à la télévision, une nouvelle publiée toujours le 11 octobre 2013, où des docteurs avertissent à propos des substances radioactives provenant de Fukushima et qui se déposent le long de la côte ouest. On annonce ça pour 2014, alors on demande aux gens de garder leur enfant éloigné des plages et puis peut-être même des femmes enceintes aussi. Alors, voilà, on a des augmentations de niveau de radiation dans l'océan autour de Fukushima rapportées par Fox News, toujours le 11 octobre. TEPCO parle ici de strontium de haute densité et on parle aussi de burst de contamination qui va entrer dans l'eau. Donc, on parle de poches de radioactivité très importantes dans l'océan qui vont se déplacer. Alors, voyez là, la situation toujours aussi inquiétante de semaine en semaine, là, réellement. Vous avez des professeurs dans le domaine nucléaire à l'université de Berkeley aux États-Unis qui parlent ici des niveaux de radiation qu'ils ont eus en Californie après le mois de mars 2011 étaient plus hauts que ceux qui étaient dans l'eau autour de Fukushima. Et qu'il était en fait très intéressant de ce fait de en fait même à considérer. On parle ici des réacteurs et puis de ces bassins qui posent encore une menace très sérieuse à l'humanité entière. Alors réellement, là, vous voyez, c'est professeur après professeur dans le domaine du nucléaire qui parle de ça. C'est pas juste Henry Gunderson. Alors avis au fameux hoax buster à la con là. Réellement, il faut regarder l'ensemble des sources, l'ensemble des intervenants, l'ensemble des gens qui se prononcent sur ce sujet-là et qui d'emblée réellement sonnent l'alarme sur ce qui se passe réellement à Fukushima. Ensuite, on parle ici d'un rapport qui parle des fameux athlètes olympiques et des touristes qui sont avertis qu'ils pouvaient être en danger en étant à Tokyo avec les niveaux de radiation élevés qui s'y trouvent. On parle de césium qui est trouvé à peu près partout à Tokyo réellement, là, qui a été largement arrosé là, par toutes ces retombées radioactives de Fukushima et qui continue quand même d'être aussi dans un bassin très proche là, de cette zone contaminée. New York Times rapportait le 11 octobre, toujours beaucoup de nouvelles le 11 octobre, que Fukushima a pollué l'océan Pacifique en entier. Et écoutez, là, on parle ici là, d'une situation assez importante. 12 octobre, un physicien au Japon, des niveaux de radiation étaient 100 fois plus élevés à Fukushima que ce que le gouvernement avait rapporté 50 jours après le début de ce désastre au mois de mars 2011. On a trouvé des taux de radiation très élevés, même à 60 km de la station, dans une station de train. Alors, vous voyez quand même assez hallucinant. Vous avez des officiels nucléaires au Japon qui parlent d'un désastre sans précédent, Fukushima. Probablement le pire accident nucléaire qui ne s'est jamais produit dans le monde. Alors, vous avez une vidéo, allez voir ici. Des fermiers de Fukushima parlent de plutonium qui a été détecté partout dans un village à plus de 30 km de la centrale nucléaire. Et puis, un professeur qui parle de quelque chose de terrible qui est en train de se passer là-bas. Et puis, c'est quand même, évidemment, ces retombées-là qui vont affecter toutes les populations autour. Bon, alors, plusieurs nouvelles fort préoccupantes comme ça. On continue. On parle ici d'officiels gouvernementaux au Japon. Dans le 12 octobre, on parlait de tout le Japon qui était à risque d'avoir de sérieuses contaminations dans sa chaîne alimentaire, autant de l'eau que de la nourriture par rapport à Fukushima, autant maintenant que dans le futur, la terre est contaminée dans un rayon au moins de 250 km autour de la centrale nucléaire. Vous avez une vidéo ici, allez consulter. Alors, voyez, vous avez des professeurs encore au Japon, toujours le 13 octobre ici. On parle de scénario, le pire des scénarios Fukushima. On parle de ces fameux crayons de combustible nucléaire qui ont fondu et se sont répandus sous et à travers les réacteurs. Contamination qui va avoir un impact sur le reste du monde. Réellement, on parle ici encore du Pacifique, de l'océan Pacifique en entier qui pourrait être affecté. Donc, on en parle tout le temps de plus en plus de ce fameux océan Pacifique qui se trouve à être fortement contaminé. Encore des hausses importantes de césium autour de Fukushima, de la centrale de Fukushima et dans l'océan. On parle ici d'encore de lecture record de 10 000 becquerels par mètre cube. On a un ancien de l'Agence de l'énergie nucléaire qui parle de ce poisson qui a la réelle habilité d'accumuler le césium dans sa chair. Et puis, évidemment, nous, on se trouve après ça à manger ça un peu plus loin dans la chaîne alimentaire. Là, c'est pas même compliqué à comprendre. Fukushima. Les radiations de Fukushima sont pires que ce qu'on pensait. Le gouvernement et TEPCO ignorent les effets de l'iodine, de l'iode radioactive. Une vidéo encore à voir ici. Un expert en nucléaire qui parle d'un état d'urgence devrait être déclaré à travers la communauté du monde à propos de Fukushima. On parle ici de ce fameux corium fondu qui fuit toujours dans l'océan et n'a jamais été arrêté depuis le début de cette crise importante. On parle encore de ces fameuses étoiles de mer qui se transforment en gelée, là, vraiment. Ils sont en train de pourrir quasiment sur place, là. C'est vraiment hallucinant le long de l'état du Washington, du Canada. On parle ici de toutes sortes de situations qui sont en train de se développer dans l'océan du Pacifique, réellement. C'est assez particulier. Donc, voyez, là, paquet de trucs comme ça qui continuent de transpirer de ce qui se passe de cette situation-là. Des typhons qui s'écrasent sur le Japon, qui risquent encore là de débranler les structures qui sont déjà extrêmement fragiles et qui soutiennent ces fameux bassins, ces fameuses piscines qui contiennent des matériaux, en fait des combustibles usagés, utilisés, et qui risquent de faire s'effondrer le tout. Et puis qui pourrait donner encore là lieu à le développement d'une situation jamais vue sur la face de la planète Terre. OK? Donc voilà, c'est un peu là une revue de ce qui se passe encore là-bas, semaine après semaine. Et puis si on essaie de vous faire à croire que la situation est sous contrôle là-bas, chers auditeurs, pensez-y deux fois et continuez de faire vos recherches et puis de vous rendre compte vous-même là de ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, il fallait prendre le temps de faire un petit détour et puis de vous rappeler la gravité de la situation pour que réellement on ait ça à la conscience et puis qu'on agisse réellement. Il est temps qu'on passe à l'action dans le cas de ce qui se passe à Fukushima. Il faut que mondialement, là, on s'y mette, OK? Donc, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve après avec différentes nouvelles là, concernant l'économie, OK? À tout de suite. Thank you.

la-di-da. T'es qu'une tradida. Et pas de l'évadique. T'es qu'une tradida. Alors, nous sommes de retour. Alors, nous allons aborder maintenant les nouvelles de l'économie. Et puis, puisque nous allons entrer dans ce domaine traitant de l'argent et ainsi de suite, j'avais ici des informations concernant la masse salariale des organismes de bienfaisance. Vous savez, c'est quand même un petit peu particulier de voir ça réellement. Et puis, vous avez le temps des fêtes là, qui s'en viennent. Et puis, je crois que c'est important de savoir un peu, des fois, à qui on donne notre argent pour ce temps des fêtes. Alors, bien souvent, c'est un moment où les gens se sentent généreux et veulent aider. Alors, veulent donner un peu d'argent aux organismes qui aident ici et là. Mais faut quand même prendre conscience que, des fois, peut-être que les gens se servent un peu trop généreusement finalement dans nos dons, et puis on se rend compte que finalement nos dons ne vont pas nécessairement dans les poches de ceux qu'on voudrait. Il y avait ici des chiffres qui avaient été donnés lors d'une émission, et puis les chiffres en fait viennent comme source du gouvernement du Canada, alors quand même assez intéressant. Et puis ça parle des salaires de ces gens qui travaillent pour différentes organisations de bienfaisance, en fait des organismes de bienfaisance. Et je vais vous donner quelques chiffres comme ça avec le nom de ces organismes-là. Et puis vous devez comprendre que ces salaires-là aussi excluent les avantages sociaux, les frais de dépenses et autres. C'est quand même assez particulier. Alors on parle ici de la masse salariale des organismes de bienfaisance comme Centraide Montréal. Vous avez 95 employés qui encaissent plus de 8,4 millions de dollars en salaire avec deux directeurs gagnant de 160 à 200 000 dollars par an. Quand même assez particulier. Vous avez Moisson Montréal qui, eux, emploient 32 employés avec des salaires de plus de 1,8 million avec un directeur, lui, qui en touche 120 000 dollars par année. Le Club des petits déjeuners du Québec qui ont 62 employés touchant plus de 2,6 millions en salaire et 8 employés gagnant entre 80 et 120 000 par an. Vous avez la Fondation David Suzuki qui, eux autres, sont dans l'environnement avec 57 employés, 4,4 millions en salaire avec le patron David Suzuki qui touche plus de 250 000, donc un quart de million par an. Alors, Oxfam Québec, qui, eux, emploient 129 personnes avec plus de 6,3 millions en salaire. Il y a un directeur qui touche 200 000 $ par année. Et Fondation Rêve d'enfant, 86 employés, 5,7 millions en salaire. Et puis, pour dessert, ben, vous avez Vision Mondiale Canada, qui emploie 492 employés, plus de 41 600 000 en salaire, un président qui touche 350 000 $ et 5 directeurs qui gagnent entre 160 et 200 000 $ par an. Alors imaginez, donc ce temps des fêtes, soyez généreux, hein, il faut payer des salaires importants. Alors je ne sais pas si vraiment on a besoin de gagner autant d'argent pour pouvoir aider des gens qui en ont vraiment besoin. Mais bref, une petite nouvelle comme ça dont je tenais à vous parler. Économie. Alors, nous avons beaucoup de raisons encore là d'être inquiets par rapport à ce qui se passe avec l'économie autant américaine que ce qui se passe avec l'économie mondiale, bien que ces deux-là, ils sont quand même étroitement liés. Vous avez une importante dévaluation du dollar américain qui est en train de se passer, et puis, plus important encore, vous avez un délaissement de la devise américaine comme monnaie d'échange commercial international. Alors ça, c'est le volet le plus important à saisir actuellement. Il faut comprendre que des pays sont en train de se mettre ensemble et signent des accords bilatéraux pour faire des échanges commerciaux dans leurs devises respectives à l'extérieur de du dollar américain. Et puis là, plus important encore là, cette semaine, on va y revenir à travers ces nouvelles-là, là, mais je vous l'annonce tout de suite. Vous l'avez sûrement entendu, ou sinon, ben écoutez, la voilà en vrac. La Chine a annoncé cette semaine que on est rendu à un point, il faut déaméricaniser le monde. On parle au niveau économique. Alors, on a signé un accord bilatéral entre l'Union européenne et la Chine, une union commerciale. Alors, un pacte commercial, et puis vous avez la Chine qui est sortie publiquement pour annoncer qu'effectivement, ils travaillent activement à la déaméricanisation de l'économie mondiale, et puis passer à d'autres choses. Alors, ils sont en train d'installer leur monnaie pour qu'elle devienne une monnaie d'échange de commerce international aussi. Alors, c'est quand même très important. Et puis là, ben, on doit comprendre aussi que on a plusieurs raisons d'être inquiet par rapport à l'économie autant américaine que mondiale, alors qu'on se dirige vers la saison, le temps des fêtes, quoi. Alors, on dit que l'économie est en train d'être transformée de façon fondamentale, et puis que le rythme du déclin de l'économie américaine est en train de s'accélérer. On a ici dans un article, on relate 22 raisons pour lesquelles on devrait être inquiété à propos de ce qui se déroule dans cette économie. Selon Gallup, raison numéro 1, là, je ne sais pas si vous toutes vous les passez, là, mais je vais vous rapporter les plus importantes. Vous allez comprendre l'importance là, ici des facteurs qui sont en jeu. On a, selon Gallup, on a la plus importante baisse de la confiance des consommateurs en l'économie, en fait, depuis 2008. Vous avez ces magasins tout au travers de l'Amérique qui rapportent des ventes très décevantes. Et vous avez plusieurs analystes qui sont très inquiets par rapport à ce que la saison des fêtes va apporter au niveau des ventes. Alors, vous avez aussi les ventes de véhicules qui ont finalement manqué leur cible depuis... En fait, on manquait leur cible de tellement que c'en est un record. En fait, on n'a pas manqué la cible depuis d'autant depuis janvier 2009. Vous avez aussi un des plus importants manufacturiers de meubles aux États-Unis qui a été forcé à faire banqueroute dernièrement. Selon le Wall Street Journal, la saison de vente des fêtes de 2013 est déjà en train d'être projetée comme étant la pire depuis 2009. Vous avez le Baltic Dry Index, les autres qui finalement mesurent le nombre de cargos qui circulent sur les océans. Là. Donc, c'est la marchandise qui est en circulation dans le monde. Et donc, vraiment un excellent indice là, de ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale qui a fait l'expérience de la plus importante baisse de 4 jours qu'on a vu depuis 11 mois. Vous avez Merck, une des plus importantes manufactures de médicaments de la nation, qui a annoncé l'élimination de plus de 8500 emplois. Vous avez en fait toutes les corporations en entier qui ont annoncé l'élimination de plus de pas loin de 400 000 emplois à travers les 9 derniers mois de cette année. Alors vous voyez, c'est quand même assez important. Vous avez aussi le nombre le nombre d'annonces d'emplois coupés en septembre 2013 qui était 19% plus élevé que ce qui avait été annoncé en septembre 2012. Alors, vous voyez, même d'année en année, ça s'empire. Vous avez aussi les taux de participation de la force du travail qui est à son plus bas depuis 35 ans. Vous avez d'ailleurs les gens qui sont âgés entre 18 et 24 ans qui sont dans des records de taux de gens qui sont sans emploi. Quand même assez hallucinant. Vous avez approximativement un travailleur sur quatre aux États-Unis qui vit sous la ligne de la pauvreté. Hein? On parle de 47% de tous les adultes des États-Unis seulement qui ont un emploi à temps plein. Vous avez des nouvelles comme ça qui vous montrent comme ici, là, le service de poste aux États-Unis qui ont fait défaut sur, des bénéfices, là, des paiements de bénéfices, là, en fait, de paiements sur les services de santé pour les gens qui sont à la retraite. Alors, ils ont fait défaut sur un budget de plus de 5,6 milliards de dollars. Vous avez la dette nationale des États-Unis qui a augmenté de plus de deux fois plus rapidement que le PIB des États-Unis. Imaginez, c'est quand même assez hallucinant, là. Donc, vous avez un paquet d'affaires comme ça qui... vous avez le revenu moyen de la maisonnée aux États-Unis qui a tombé pour la cinquième année d'affilée. Le fossé entre les riches et les pauvres aux États-Unis est à un taux sans précédent. OK? Alors, voyez, là, c'est quand même assez inquiétant de voir ça, là, quand on dit que plus de une sur cinq maisonnées aux États-Unis fonctionnent avec l'aide alimentaire, là. Je veux dire, à un moment donné, là, ça commence à être assez particulier, là. Donc, ça, c'est des nouvelles à aller voir. Ensuite, vous en avez une autre ici qui parle d'effondrement économique en ce moment, des compagnies qui sont en train de s'effondrer, des revenus qui sont à la chute le plus bas depuis le corps financier de 2009. On parle de taux de gens qui sont sans emploi record, qui sont sur des l'aide alimentaire. On parle de pauvreté, de dette, ainsi de suite. Un article ici de Zero Hedge. On fait une compilation comme ça de trucs là assez importants. On voit, écoutez, là, regardez le nom des compagnies qui mettent à la porte des employés. C'est pas des petites compagnies, là. JP Morgan Chase ont licencié plus de 19 000 employés. JC Penney aux États-Unis, très importante chaîne de magasins, ont licencié plus de 15 000 employés. IBM, 9 400 employés mis à la porte. Boeing a licencié 5 800 personnes. American Express ont mis à la porte 5 400 personnes. Wells Fargo, 5 236. Cisco, 4 500. MetLife, 3 150. Dish Network, 3 000 personnes. United Technology, 3 000 personnes. Écoutez, l'économie est vraiment en train de s'effondrer, là. On parle de niveau de gens sur le chômage record, des gens sur l'aide alimentaire à niveau record, des dettes de niveau record, pauvreté niveau record. Vous avez toutes les sources ici, quand même assez hallucinant. On commence même à couper du personnel dans les hôpitaux. Les taux d'adolescents qui sont sans emploi sont à niveau record. Le taux de pauvreté est fixé à 15% officiellement aux États-Unis, dans un niveau record de 46,5 millions d'Américains qui sont dans la pauvreté. Ok, donc on parle ici là d'un Américain sur six là est dans la totale pauvreté. C'est pas les images qu'on voit là à Hollywood dans les films là, réellement. Là. Donc quand même assez particulier ici. Donc allez voir ça. Plusieurs nouvelles qui parlent de ça ici, de la situation actuelle. Ok. Ensuite, vous avez un autre article ici que j'ai trouvé sur Agoravox. On parle de 48 heures avant la fermeture prolongée de votre banque. On pose la question. On dit que les banques les plus puissantes du monde, ainsi que le président Obama, mettent en garde sur les conséquences catastrophiques d'une défaillance des États-Unis sur leurs dettes. Alors, cinq déclarations ne peuvent prendre à la légère. Vous avez ici, lors d'une interview de CNBC le 2 octobre, durant laquelle le président Obama a répété 8 fois le mot « défaut de paiement ». Alors, écoutez, il déclare que cette fois, c'est différent. Wall Street devrait s'inquiéter sur ce qu'il se passe au Congrès. Quand vous avez une situation dans laquelle une faction est potentiellement prête à faire défaut sur les obligations américaines, alors nous sommes en difficulté, ils sont prêts à le faire. Alors, vous avez ici les sources exactes, CNBC, publié le 3 octobre. Alors, vous allez avoir toutes les images, ainsi de suite, toutes les sources d'où ont été publiées ces nouvelles. Numéro 2, vous avez le président de la Banque mondiale, Young Kim, qui prévient que les États-Unis sont à quelques jours d'un moment très dangereux. Cela pourrait devenir un moment catastrophique pour le monde. Nouvelle rapportée par d'ailleurs BBC News. OK? Alors, allez voir ça. Ensuite, le 3, vous avez le directeur exécutif de la Deutsche Bank, Anshu Jain, qui a déclaré lors d'une conférence organisée par l'Institute of International Finance à Washington, et je cite, « Nous pourrions assister à une propagation très rapide d'une maladie mortelle. Les conséquences d'un défaut de paiement américain seraient tout à fait catastrophiques et plongeraient le monde dans une autre récession », rapportée par Reuters. Alors, les banques américaines commencent à stocker d'énormes quantités de dollars dans la crainte d'un « bank run », on appelle ça une ruée bancaire majeure sur les banques américaines d'ici les prochaines semaines. Ça fait des mois qu'on en parle ici sur l'autre monde, et puis là, voilà, ça commence à sortir dans les nouvelles. 4. Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, a confié au Los Angeles Times, je cite, « Nous avons effectué d'énormes préparatifs. » Nous avons effectué d'énormes préparatifs dans l'éventualité d'un défaut de paiement du gouvernement. Les grandes banques se préparent, chers auditeurs. Il poursuit. Un événement de cette ampleur se propagerait à travers l'économie mondiale d'une manière impossible à appréhender. Rapporté par le Los Angeles Times. 5. Le directeur de BNP Paribas, Baudouin, a également déclaré, je cite, « Les conséquences seraient absolument désastreuses en considérant le rôle du dollar. » Fin de la citation. Pendant ce temps, le département du Trésor américain prétend qu'il pourrait faire défaut dès cette semaine. Les obligations comme la sécurité sociale ne seraient plus financées. Alors, imaginez. Alors, on dit dans cet article que, évidemment, comme je vous répète depuis longtemps, ce système est pyramidal et construit par la vente d'une valeur de papier fictive, le principe d'une chaîne de Ponzi. Le système, pourtant réprimé comme un acte criminel dans la plupart des pays industrialisés, finit par se gripper. Hein? Donc, on dit que cette illusion appelée le dollar ou l'euro ou toute autre monnaie imprimée sans contrepartie en bien tangible conduit invariablement vers une perte de confiance des populations envers cette valeur. Évidemment, c'est de l'argent qui est basé sur rien, basé sur la dette. Okay? Même si le défaut de paiement du fabricant de dollars serait effectivement une catastrophe, ce papier imprimé reste une illusion de valeur. Toutefois, le problème provient dans la façon dont les pays et votre banque réagiront à un tel événement. Okay? Donc, écoutez, c'est assez hallucinant. Là. Écoutez, chers auditeurs, là. On parle d'un moment assez important qui s'approche de vous. Et puis, êtes-vous prêt à ça? Là est la question. OK? Vous devez prendre des mesures concrètes pour protéger votre famille de ce type d'événement. On parle d'une catastrophe financière qui pas risque d'arriver, va arriver. C'est pas une question de si, mais de quand. Parce que ce système-là est basé d'une façon qu'il doit s'écrouler. Comprenez? Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, écoutez, il faut se préparer, à vous de voir la meilleure façon. Donc, on parle de cet article ici où on parle de la naissance d'un monde déaméricanisé. Alors, Beijing, la Chine qui appelle pour la création d'une nouvelle réserve mondiale, une nouvelle monnaie pour remplacer le dollar américain. Alors, ça y est, la Chine en a assez. Les gants diplomatiques sont maintenant enlevés. Il est temps de construire un monde déaméricanisé. Alors, il est temps de... on parle ici d'une nouvelle réserve, d'une nouvelle monnaie de réserve internationale pour remplacer le dollar américain. Tout est là. L'éditorial du Chinois, qui est un journal directement publié en Chine. Ça vient directement de la bouche du dragon. Et puis maintenant, il faut comprendre que maintenant, il faut attacher notre ceinture parce que là, ça va commencer à aller assez rapidement. OK? Ça va être une route assez houleuse. Mais ça s'en vient. Alors, écoutez, vous avez ce fameux éditorial du Chinois qui en fait parle un peu de cette situation. Et puis, vous avez ici les deux paragraphes qui ont été publiés dans ce journal et puis qui parlent de cette solution de déaméricaniser l'équation géopolitique du monde et de commencer d'ailleurs par le Fonds monétaire international, le FMI, puis la Banque mondiale. Et puis, on doit les remplacer avec de quoi d'autre ou du moins fonctionner avec une autre réserve mondiale. Donc ça, c'est quand même assez particulier là. On commence réellement là à porter une résistance et se délaisser publiquement, ouvertement, se dégager, délaisser le dollar américain. C'est quand même assez particulier là, de voir ça. Donc, ça va être évidemment une situation à suivre. Là, il faut comprendre aussi que ces pays-là sont tous liés aussi dans ce qu'on appelle ce groupe de pouvoir émergent qui est le BRICS, qui inclut le Brésil, la Russie, l'Indonésie, la Chine, l'Afrique du Sud, et puis maintenant qui ont un paquet d'accords commerciaux et d'échanges commerciaux avec différents pays, même avec la France et puis le reste de l'Union européenne. Donc, ces gens-là veulent transiger dans leur monnaie respective. Ils veulent délaisser le dollar américain comme monnaie d'échange internationale. C'est assez hallucinant. OK? Alors, on veut commencer à faire ça. On parle de déaméricanisation. La Chine a déjà signé et commencé des offensives pour développer des échanges commerciaux avec différents partenaires à travers l'Asie du Sud-Est, d'ailleurs. OK? On parle ici de faire en sorte qu'on devienne des partenaires commerciaux importants. Bon, alors on veut signer un paquet d'ententes, a déclaré le président chinois avec l'Indonésie, la Malaisie, avec l'Australie. OK, on veut faire un paquet de deals avec les nations qui sont aussi en Asie centrale. On veut puis là vous allez des nouvelles qui ont été publiées à cet effet, on veut remettre en place cette fameuse route de la soie. OK. Donc c'est quand même assez hallucinant là. On parle ici de d'échanges avec la Thaïlande, le Vietnam, donc avec tout le reste de l'Asie finalement. OK. On parle aussi du pétro-yuan. Alors le renminbi, OK, il faut penser que la Chine est en train de se mettre sur la map au niveau pétrolier aussi. Alors on est en train de mettre en place une genre de banque mondiale, mais une deuxième banque mondiale qui est contrôlée par ces fameux pays de la BRICS. Donc, des investissements de l'ordre de milliards de dollars et puis qui vont être mis en place. Nouvelle vision de route de la soie qui vont connecter la Chine avec l'Ouest et puis sécuriser aussi des réseaux d'apport d'énergie comme le pétrole. Autant par le continent que par l'océan. Et puis, on est en train d'éclipser finalement la vision de cette nouvelle route de la soie qui avait été avancée par l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton il y a 2 ans et qui était censée revitaliser le fameux lien avec l'Afghanistan reliant l'Asie centrale et l'Asie du Sud. Alors, la Chine est en train de se mettre en place et le dragon est en train de s'éveiller. Donc, vous avez aussi un authentique ici qui parle du plan B. Plan B pour qui? Pour les banques centrales qui sont en train de se préparer pour ce qu'on appelle l'armageddon financier. Alors, c'est pas des petits conspirationnistes de sans-dessin qui sont en train de vous parler de ça. On parle des banques centrales ici. Vous avez les banques centrales européennes et puis vous avez la banque The People's Bank of China. OK, la Banque centrale de la Chine, qui ont signé un deal, en fait, se sont mis d'accord pour, finalement, entre ces banques-là, pour s'éloigner de l'orbite du dollar américain. Ces deux grosses banques centrales-là se sont mis d'accord pour faire des échanges de l'ordre de plus de 56 milliards de yuan et valant plus de 60,8 milliards d'euros. Imaginez. Alors, c'est quand même assez important comme nouvelle. Bon, alors on dit qu'on a plusieurs autres banques centrales qui ont des réserves dans la forme de ce qu'on appelle des sovereign wealth funds et qui sont aussi à risque d'un défaut américain. Alors, on est en train de changer ces investissements. Et puis, on est en train de les diversifier dans d'autres monnaies, puis dans d'autres trucs comme les métaux précieux, et ainsi de suite. Alors, on est en train de se préparer à ce crash. OK? Alors, c'est un problème assez important aussi quand on dit que vous avez le FMI qui a annoncé que personne ne connaît. Écoutez, le FMI a annoncé ça, là. Je veux dire, vous avez l'Europe et les États-Unis qui sont sur le bord du gouffre financier. Le FMI a déclaré que personne ne sait la vraie étendue des pertes potentielles des banques européennes. Mais le Fonds monétaire international a comme laissé transpirer que l'énormité du problème était effectivement énorme ce mois-ci, disant que les banques italiennes et espagnoles faisaient face à des pertes de plus de 310 milliards de dollars ou 230 milliards d'euros de pertes seulement que sur le crédit accordé aux compagnies lors des deux prochaines années. Alors, on a un gros problème avec ce crédit-là. OK? Alors, de grosses surprises qui s'en viennent. Un autre article ici qui parle des banques européennes qui sont encore totalement insolvables. OK? Alors, vous avez ces fameuses banques espagnoles et tout le système bancaire, disons-le, sont dans une impasse totale où on doit des quantités, tout le monde se doit des quantités énormes d'argent, on parle de centaines de milliards d'euros. On a demandé des plans de sauvetage de 100 milliards d'euros. 6 mois plus tard, on a encore un de ses plus importants problèmes bancaires. On est toujours dans une situation extrêmement négative. Vous avez le système bancaire européen qui est complètement insolvable. On n'a pas d'argent, on est en banqueroute totale. Okay? Et puis, c'est la même affaire avec le système bancaire américain. Okay? Donc, c'est vraiment une situation importante. Vous avez ici un blog qui en parle, Investment Watch blog. On parle des banques mondiales, c'est dans un autre article, qui se prépare à un effondrement de l'euro. Alors, on parle ici des banques à travers le monde qui se préparent pour l'effondrement possible de l'euro, alors qu'on voit la crise de la dette européenne augmenter. Vous avez plusieurs systèmes, plusieurs banques qui sont même en train d'installer des systèmes capables de gérer, en fait, de traverser un peu cette situation et puis même de revenir peut-être même en... l'utilisation des anciennes monnaies européennes. Alors, imaginez. Donc, vous avez aussi plusieurs firmes de finance, des corporations, différents gouvernements qui sont en train de mettre en place des plans, se préparant pour des temps difficiles. OK? Vous avez plusieurs mêmes régulateurs qui ont demandé aux banques aux États-Unis et en Angleterre de donner des mises à jour sur les niveaux de préparation en cas d'un effondrement de l'euro, l'effondrement de la zone économique européenne. Imaginez, quand même assez particulier, là. Vous avez même des firmes corporatives qui ont aussi commencé à transférer de l'argent à chaque jour. On parle, OK, là, réellement, là, quotidiennement. On transfère l'argent, on la sort des pays européens et puis on la cache ailleurs, OK? Donc, c'est quand même assez particulier, là. Des pays prennent des mesures. Vous avez la Hongrie qui a décidé de prendre des mesures importantes. Probablement ce qu'on devrait tout faire, d'ailleurs. Là, vous avez le premier ministre Viktor Orban qui a déclaré et puis a fait ceci en Hongrie. Ils ont demandé au Parlement de réaliser un comité sur la dette, de mettre en place un comité sur la dette pour réaliser à quel point, dans le fond, ils sont enfoncés dans ce système basé sur la dette. Et puis, on veut comprendre vraiment c'est quoi la situation de la dette là-bas. On veut décider aussi que non seulement le peuple, mais aussi les politiciens doivent être responsables et devraient souffrir de cette situation. On veut trouver des moyens légaux pour rendre les anciens premiers ministres en Hongrie responsables des décisions qui ont été prises. On veut chasser le Fonds monétaire international du pays. Et puis, on veut maintenant utiliser de l'argent qui est frappé, sans dette, de l'argent qui est souveraine, de l'argent qui n'est pas basé sur la dette, sans intérêt, qu'on ne doit pas aux banquiers internationaux privés, et ainsi donc financer une vraie économie basée non pas sur de l'argent de papier basé sur la dette et du bureaucrate et des criminels et des gens qui mentent. Alors voilà de quoi d'absolument très intéressant et inspirant. OK? Alors, allez voir ça. Vous avez une multitude d'articles aussi ici mis en place dans l'ordre chronologique et qui montre un peu ce qui se passe là avec l'histoire de la monnaie en Hongrie. Alors, très intéressant de voir comment les gens sont en train de se sortir de ce système basé sur la dette là-bas, mettre en place une monnaie nationale qui va être vraiment au service de la population, au lieu d'avoir une population au service de la monnaie, au service des banquiers privés. OK? Alors, très important de voir ça, très important. Bon, alors, allez voir ça. Je vais vous laisser consulter ça. La Hongrie qui tue les banques des Rothschild, leur demande de quitter le pays. Alors, quand même, faut dire que l'histoire est en train de s'écrire en Hongrie. Et puis, ça fait suite un peu à ce qui s'est passé en Russie puis en Islande. Très intéressant de voir ça. Bon, alors, l'Italie qui a, en fait, se propose de vendre 50 sites historiques pour payer leurs dettes. Alors, ben oui, le gouvernement italien se considère la vente des propriétés historiques pour essayer de balancer leur budget. Et puis de payer leurs dettes. Alors, c'est quand même assez incroyable. Ici, on parle de forteresses, de places cardinales, d'une île dans les lagons vénitiens, et ainsi de suite. 50 sites comme ça, historiques, à vendre. Donc, ça, c'est un peu, sans rappeler un peu ce qui s'est passé là en Grèce, là, où on avait mis en vente de merveilleuses îles. Et puis, on avait essayé de rembourser les dettes du gouvernement de cette façon-là. Alors, assez préoccupant comme situation. Le gouvernement de l'Italie, autant que les autres gouvernements, autant de la Grèce que nos autres pays, n'ont aucun droit, en fait, de vendre des propriétés qui appartiennent au peuple. Là. Réellement, là, ça, ces sites-là, ça appartient au peuple. Là. Ça appartient pas au gouvernement, aux gens qui sont là pendant 4 ans, whatever. Là. Okay? On n'a pas le droit de vendre ces sites-là pour balancer le budget ou payer la dette. On n'a pas à vendre des parcs nationaux, des réserves naturelles, et ainsi de suite, pour qui sont des propriétés publiques pour remplir les poches de banquiers privés qui ont mis en place un système qui est fait pour s'effondrer, qui est fait pour ruiner les gens, qui est fait pour qu'on ne soit pas capable de rembourser cette dette et que ces gens-là viennent après ça saisir des choses réelles, des choses qui nous appartiennent. OK? Ça devrait faire partie de des choses qui sont criminelles et qu'on enferme ces gens-là, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont des junkies, qui sont des drogués de l'argent. Et la confiscation de propriétés publiques comme ça est le dernier et l'étape finale, devrait dire, pour amener le monde dans ce qu'on appelle les temps féodaux. Okay? Où les gens ne possèdent absolument rien et tout est possédé par une classe de gens qui sont ces fameux banquiers internationaux qui possédaient tout dans ces temps féodaux et qui étaient bien heureux, beaucoup plus heureux en tout cas dans ces temps qu'actuellement. Bon, alors on fait une autre petite pause, chers auditeurs, puis on va revenir immédiatement après avec la fin des nouvelles de l'économie, là, puis ça va être tout pour cette semaine. Alors on se retrouve tout de suite après ça. on termine rapidement en quelques minutes un peu ces dernières nouvelles de l'économie. Allez voir des articles que j'allais vous mettre sur les nouvelles internationales. Un article que j'ai mis en jaune, surligné en jaune. Comment rembourser vos dettes facilement avec une imprimante? Toujours trouvé sur Agoravox. J'ai trouvé des trucs importants, en fait pas importants, mais intéressants, je veux dire, particulièrement de ce côté-là cette semaine. Écoutez, cette question vous fait sourire, dit-on dans l'article, bien sûr. Votre bon sens fait qu'il ne vous viendrait jamais à l'idée d'imprimer des ramettes de faux billets, de les utiliser pour rembourser vos créanciers. Imaginez que vous ayez le courage de le faire. Imaginez avec une imprimante à argent. Que se passerait-il? La réaction de votre banquier serait-elle de vous jeter dehors ou appellerait-il la police? Lisez attentivement. Vous avez des citations ici de gens assez importants. Et puis, vous allez voir un peu ce qui se passe avec ça. Essayez de résoudre vos problèmes de surendettement avec une imprimante et vous obtenez. Numéro 1. Ergon von Greyertz. La dette mondiale, dit-il, est aujourd'hui en pleine expansion exponentielle. Avec absolument aucune possibilité d'arrêter cette explosion de la dette, nous allons bientôt entrer dans une période d'argent imprimé illimité conduisant à une destruction totale des monnaies papier. La conséquence sera une dépression hyperinflationniste dans la plupart des grandes économies. Vous avez Andy Hoffman qui a déclaré « Le mal est déjà fait et donc rien ne peut changer le cours de 42 ans d'entrave en imprimant de l'argent au niveau mondial. Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes entrés dans la phase terminale. » Vous avez la Bullions Bulls du Canada qui a déclaré « Alors que la fin est déjà claire, le USS Titanic est sur le point d'être coulé intentionnellement, encore une fois, et les empreintes digitales de Ben Bernanke seront visibles partout sur la scène du crime. » Vous avez une bulle du crédit de l'économie mondiale qui finit par s'effondrer. Vous avez John Rubino qui a déclaré « Rien n'a été fixé après 2008. » Tout comme rien n'a été fixé sur le logement, les valeurs technologiques et les bulles de junk bonds, les obligations pourries ont éclaté. La réponse a été la même à chaque fois, avec de plus en plus d'agressives et d'expérimentation. Les courants politiques pensent que le système a été réinitialisé à la normale parce que le prix des actifs sont de retour là où ils étaient juste avant le crash de 2008. Ainsi, nous avons des déséquilibres financiers plus importants que jamais et la seule issue possible est encore un plus grand crash. Vous avez Bill Holter qui a déclaré « Nous vivons la plus grosse bulle de toute l'histoire. Tout et partout est basé sur le crédit. En fait, plus de 60% des crédits mondiaux est couvert par le dollar et garanti par le gouvernement américain. Le petit problème mineur est maintenant que nous avons atteint les niveaux de saturation de dette. L'autre petit détail, c'est que l'actif qui sous-tend cette valeur, le dollar et donc les valeurs du trésor américain, est émis par une entité en faillite, qui est la Federal Reserve. OK? Vous devez comprendre ça, ces choses-là. Vous avez une bulle. La plus grande bulle financière, c'est la bulle des produits dérivés dont je vous ai parlé souvent dans le passé. Cette fameuse bulle des produits dérivés qui est basée sur le papier bancaire, qui finalement est basée sur rien. Là. Il y a même les plus grands financiers, même Alan Greenspan, qui est l'ancien directeur de la Fed aux États-Unis, la Banque centrale, déclarait qu'il n'y a personne sur la planète qui sait réellement la valeur, qui sait comment ce papier vaut. OK? Alors qu'on parlait d'une... écoutez, là, on parle des stock markets du monde entier, là, mis ensemble, là, de plus de 50 milliards de dollars d'actifs. Là, OK? Là, ça brasse plus de 50 000 milliards, donc 50 trillions de dollars par année qui sont transigés sur les stock markets du monde. Ben, la bulle des produits dérivés, chers auditeurs, c'est quelque chose là qui tourne autour de 600 trillions de dollars à 1,4 quadrillions de dollars. Là, vous êtes dans les chiffres qui dépassent tout entendement. Puis c'est cette bulle-là qui est en train d'éclater. OK? Tout le monde est en banqueroute. Les pays sont en banqueroute. L'économie mondiale est en banqueroute. OK? La croissance d'une économie saine signifie que de plus en plus de personnes sont employées de manière productive. Depuis le 11 septembre 2001, chaque étage de l'économie américaine s'effondre dans un nuage de poussière. Comment peut-on considérer qu'une nation est économiquement forte lorsqu'une personne sur 10 se nourrit aux tickets alimentaires? C'est pas une personne sur 10, là, comme je vous disais une nouvelle avant. C'est même 1 sur 6. OK? Regardez, vous avez plusieurs graphiques dans cet article. On parle des conséquences des effets de 100 ans de réserve fédérale qui est là pour ruiner l'économie, pour voler l'économie qui a été mise en place par les banquiers privés. On parle de nombreuses guerres coûteuses, 42 ans de monnaie basée sur la dette sans couverture, une croissance insoutenable du crédit et de la dette, un système monétaire occidental qui est dans une situation très précaire. OK? Alors, on doit être conscient de ce qui se passe. Et puis, je vous laisse cette semaine avec deux, trois nouvelles intéressantes ici, dont des vidéos concernant ce système bancaire. Vous avez le jeu de l'argent, les archives oubliées. Vous avez partie 1, 2, 3, 2, 2, 3 et 3, 2, 3. Les vidéos, allez voir en français le jeu de l'argent. Très important. Et puis, dans l'actualité, vous avez eu une masse de gens, des millions de personnes qui ont marché contre Monsanto tout à travers le monde la semaine passée. C'est important de souligner cette marche, cet éveil de la conscience au niveau mondial par rapport à Monsanto. Monsanto se trouve un ennemi de l'humanité, ni plus ni moins, avec ce traficage génétique des semences au niveau mondial. Et puis, vous avez cette situation fort importante de ces deux généraux qui étaient en charge d'armement nucléaire aux États-Unis, des généraux travaillant pour le Pentagone qui ont été licenciés par l'administration Obama. Pourquoi? Fort intéressant à se poser ici comme question. Un mouvement sans précédent des rapports de l'administration Obama qui ont mis à la porte deux commandants militaires impliqués dans le système d'armement nucléaire américain. Ces officiers avaient les plus hauts niveaux de clairance là, qu'on peut avoir aux États-Unis, étaient en charge de cet arsenal nucléaire très, très sensible. Alors, vous avez Reuters qui a rapporté cette nouvelle le 11 octobre que le général Michael Kerry a été licencié de sa job comme commandant de la Air Force, la 20e Air Force. Son rôle responsable là, de trois ailes de missiles intercontinentales, un total de 450 missiles à trois autres bases américaines. Il a servi depuis pendant 35 ans l'armée de l'air. Et puis, écoutez, on dit qu'on a perdu la confiance dans ces gens-là. Puis là, ben, vous avez Reuters qui a rapporté aussi la décision de licencier un deuxième général, un général avec deux étoiles. Là. Donc, vous avez qui a été fait lieutenant général James Kowalski, qui a été remplacé par le général Jack Weinstein. Mm-hmm. Alors, que se passe-t-il? Est-ce qu'on est en train de préparer un mouvement, un transfert de bombes nucléaires? En tout cas, gardez les yeux ouverts. Il y a vraiment des affaires étranges qui se passent aux États-Unis de ce temps-là. Donc, voilà. On va revenir la semaine prochaine avec quelques nouvelles sur le cancer. On va parler un peu de santé la semaine prochaine. Alors, j'ai des nouvelles sur des causes très importantes menant au cancer. Vous allez apprendre que le cancer, des fois, ça vient des milieux hospitaliers. Ça vient de des lieux qu'on pourrait peut-être ne pas soupçonner de mise à bord. Donc, on va parler un peu de ça. On va parler aussi de Arafat qui a été trouvé empoisonné finalement, officiellement. On va revenir un peu là-dessus. On va parler peut-être de différentes substances qui peuvent aider là pour guérir le cancer aussi. Là, je reviens un peu de ça. Donc, différentes nouvelles aussi de l'actualité. Donc, voilà, chers auditeurs, c'est tout pour nous pour cette semaine. Donc, je laisse là-dessus. C'était François Marginan pour L'Autre Monde. Je vous salue bien, boy. On se retrouve dès la semaine prochaine pour plus de nouvelles. Ciao tout le monde. Bye-bye. she'll